Le comité suisse Corée et le cercle suisse d'études des idées du jeté ont publié le 29 mai une déclaration commune contre Obama qui a mis en cause le renforcement juste des forces nucléaires de notre République.